بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تابع أثارهم واكتفاه، أما بعد. المضارع والمستقبل، انا بدي المضارع سي كو ريفليشي بيان جو سي سكو تي بو دير او جو فوا سكو تي بو دير بيتو ريفليشي تري تري بيان دي لو ان فرانسي جوست دو موا لو ديبي ان فرانسي جو دير ديجا سيتي سور لو بون بوان باسكو جو فوا سكو او تي فو الي. المضارع ما دل على ماشي ما دل على حدثين في زمان ça c'est le hal. Al-Mudari' on avait dit yanqasim ila qismayn mustaqbil wa hal. Rappelez, on a dit Al-Mudari' ça peut être yani, en lui-même tu peux pas pouvoir différencier entre le mustaqbil et le hal. Mais c'est ce que je te dis uhibbu. Est-ce que c'est à présent ou bien c'est dans le futur? C'est à présent? Non. C'est pas. Parce que le mudari', justement, tu peux pas. Le mudari', c'est ce love-là, uhib. En fait, c'est un love yani, qui est muhtamal. C'est soit yani, ça peut être il peut être voulu, comment ça s'appelle, le présent ou bien le futur. Mais si jamais tu n'as aucun indice, tu peux pas juger, tu peux pas trancher. Uhib. Tu peux pas trancher. Ah ben maintenant si je dis uhibbu fulanan ou maintenant je dis uhibbu alladhi dakhala al-an. Uhibbu alladhi dakhala al-an. J'aime la personne qui vient de rentrer à l'instant. Là c'est mudari et c'est hal ou même mustaqbal. C'est le hal. C'est quoi l'indice? Al-an. Alladhi dakhala al-an. Tu vois, si je dis uhibbu maintenant uhibbu أو سوف أحبه. سوف أحبه. تمام. لكن إن قرينا كتمنك في الاستقبال سيكوا سوف. يعني يجيز المضارع sans qu'il a pas d'indice qui indique le présent ou qui indique le futur, tu peux pas trancher. Pourquoi il appelle المضارع؟ Parce que يعني إيش معنى المضارع؟ المشابه. تمام. Parce qu'il y a une ressemblance. يعني entre les deux là, tu peux pas يعني trancher entre le futur et le يعني le مستقبل. Il ressemble au love du hal. Pour ça, il n'a plus modaré. Il se ressemble. Tu ne peux pas trancher si jamais tu n'as pas d'indice. Abadan. Avec le hal, le modaré, pour revenir sur ça, le modaré, c'est le terme qui est utilisé. Pourquoi le présent et le futur. Tu ne peux pas faire la différence entre les deux, excepté avec un indice. Si tu as un indice qui indique le présent, c'est un présent. Un indice qui indique le futur. Mais en lui-même, si tu dis uhib, adkhul, af'al ila akhirih, ni tu peux dire c'est présent ni tu peux dire c'est futur, parce que t'as pas d'indice. Et donc après on avait dit al-hal, c'est-à-dire le présent, c'est celui qui ma dalla ala hadathin, c'est celui qui indique une action fi zaman yatakallam, au moment où on parle. Uhibbu hadha, uhibbu an taji, j'aimerais bien que tu viennes, je te parle à l'instant. المستقبل ما بدي ما دل على حدث بعد زمن التكلم تمام بعد زمن التكلم لا لا بعد بعد لا سي ابري ça va venir après mais non si c'est avant que tu parles c'est déjà passé مثلاً là je suis en train de parler là quand ils disent yani avant de parler là je suis en train de parler tamam je suis en train de parler là quand ils disent el mardi je vois ce qu'ils veulent dire mais eux ce qu'ils veulent c'est ça chauffe là je suis en train de parler ça el mardi là ils sont en train de dire là je suis en train de dire yani au moment où je te parle d'une chose qui est déjà passée avant que je te parle là. Là, je suis en train de te parler. El mardi, c'est une chose qui est survenue. Ah, c'est par rapport à la situation de maintenant que tu parles. Avant que je te parle, là, je suis en train de te parler. Le mardi, je suis en train de t'en renseigner sur une chose qui est passée là, avant le moment où je suis en train de te parler. قبل أن أتكلم معك. الآن. تمام. والمستقبل يعني بعد. Ça va arriver après. تمام. Le moment où moi je suis en train de te parler. C'est ça qu'il va le dire. On avait dit مستقبل تعالى. Après, on a vu comment conjuguer, mais c'est juste pour أحب. Le but, c'est pas le but de savoir comment on conjugue le modari, tamam? Comment conjuguer le modari, c'est pas ça le but, tamam? Donc ça, yani, prenez comme faïda, tu sais comment conjuguer uhibbu, yani lorsque tu veux dire, yani pour une personne, yani au modari, c'est-à-dire, yani, soit pour le présent, soit pour le futur, tamam? Tu sais comment le conjuguer. Tu prends juste pour faïda. Mais le but, c'était pas de voir le modari comme il se conjugue, tamam? Donc maintenant, si je veux dire, j'aime, comment je dirais? J'aime. Ouais. Uhibbu. Tu aimes pour un homme. Tu aimes pour une femme. Tu aimes. Tu aimes. Tu aimes. Tu aimes. Avec Hua, il aime. Tu aimes. Elle aime. Tu aimes. Comme avec Anta. Ah ouais, ça, je lui ai demandé. Tu aimes. Donc. C'est ça le son. C'est pas trop compliqué. Donc, Inch'Allah, on rentre dans le dors. الثاني عشر. قال سعاد أو قالت سعاد السلام عليك ورحمة الله وبركاته. تمام سعاد. البنت. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. Comme vous pouvez le voir. Là, le but, là, du début de cette leçon, c'est le féminin. تمام le féminin. Là, on a vu salamu alayki. Lorsque c'est une femme, ou lorsqu'on passe le salam à une femme, tamam, tu ne dis pas assalamu alayka. Tu vois, le kafuna, c'est kaful khitab. Tamam? Kaful khitab, c'est un harf jar. Et ce kaf-là, comme on l'a dit, il rentre avec ala. Tamam? Donc là, il faut que toi, il faut que tu l'accordes en fonction de la personne avec qui tu es en train de parler. Si c'est masculin, singulier, assalamu alayka. Si c'est féminin, comme là, assalamu alayki. Tu dis pas salam alaykum ou ila akhirih, tamam? Assalamu alayki, si jamais c'est féminin, singulier, comme sur le cas là. Question. Al-maf'al bih. Déclinaison des noms. Al-maf'al bih. C'est maf'al bih. On va le voir là vite fait, j'ai oublié. Tamam? Kazalika, ouais. Regardez quand il dit Ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Ça c'est mimbab, kazalika? Histoire que vous compreniez la leçon, qu'on comprenne toute la leçon, tu vois, tamam? C'est-à-dire, hein, toutes les, la fonction de tout ce qui a été évoqué dans la leçon. Quand il dit, Ana uhibbu abi wa ummi. C'est quoi l'i'rab de cette phrase-là? Ana uhibbu abi wa ummi. C'est quoi l'i'rab de cette phrase-là? Ana, c'est le fa'il. Fa'il, tamam. Habbu, c'est le fi'l. Abi wa ummi, c'est le mudafilay, les deux. On va voir, c'est pas ça du tout ça. T'es d'accord avec lui ou pas? Il a dit ana fa'il. Habbu fi'l. Moi je dirais non. Pourquoi? Ana, moi je dirais muftada. Muftada, pourquoi? Parce que c'est un mot. C'est pas un verbe. Donc la phrase là, c'est une phrase quoi? Nominal. Nominal. Une phrase ismiya. Donc ça c'est le mubtada. Ana, mubtada. Est-ce qu'on va le voir? Le khabar, il peut être soit ça peut être comment ça s'appelle, soit il peut être mufarad, c'est-à-dire un mot, soit ça peut être plusieurs mots composés. Ana, abdullahi. Ana, Muhammad, un mot. Ana, abdullahi, plusieurs mots. Deux mots. Ana Abdullah ibn Fulan Fulan Kala Kala. Ça peut être une jumla. Ça peut être aussi une jumla ismiya. Ana. Ana Daribu Muhammadin. Mubtada khabar. Ça peut être une jumla ismiya et ça peut être aussi kadalika une jumla fi'liya. Comme c'est le cas ici. Uhibbu abi wa ummi. C'est une jumla. Mufida. Uhibbu abi wa ummi. Lakin c'est une jumla quoi? Fi'liya. Et le khabar il peut être une jumla aussi kadalika fi'liya. Lakin alan. Ça c'est le khabar. Mais la phrase complète, on l'appelle quoi là? Là, ça. Tu dis mubtada. Tamam. Et ça, tout ça là, c'est le khabar. Pourquoi? Parce que l'information elle tourne autour de quoi? Ana. De ce que toi tu aimes. Tamam. Et tout ça, ça s'appelle une jumla ismiya. Pourquoi? Parce que ça commence par un nom qui est le mubtada. Tamam. Ana mubtada. Uhibbu abi wa ummi, c'est un khabar. Lakin dans uhibbu abi wa abi, si tu veux décortiquer, tu diras uhibbu fi'l. Wal fa'il ana muqaddar. Ay uhibbu ana abi wa ummi, ça s'appelle quoi ça? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Celui qui a subi l'action. Ana, le fa'il, il est tout le temps marfou'. Comme on, ça, c'est parmi les règles. Ça, c'est minbab el faïda. Pour que vous compreniez, on va comprendre par rapport au maf'ul bihi. Comme le mubtada qu'on a dit, il est tout le temps. C'est du tout le temps, tout le temps. Hein, tout le temps. Tu ne peux pas trouver un fa'il qui n'est pas marfou'. Comme tu ne peux pas trouver un mubtada qui n'est pas marfou'. Abedden, ça n'existe pas. Non, c'est marfou', là. C'est-à-dire ceux qui se finissent avec un. Ou bien, ma, naba'an huma. Et l'ab, huna, qui est maf'ulun bihi. Le maf'ul bihi, c'est-à-dire celui qui a subi l'action, il est tout le temps mansoub. Mansoub, c'est quoi? C'est celui qui se finit par une fatha, ou fathatayn, ou ma naba anhuma. Et on a vu trois choses. Al-marfou'. Le marfou', c'est celui qui se finit avec une damma, dammatayn, ou ma naba anhuma. C'est celui qui se finit avec une damma, ou bien deux damma, tanwin, tamam, ou bien une chose qui va remplacer la damma, comme c'est le cas de quoi? Le waw avec l'asma sitta. Rappelez-vous? Hada abouhu. On avait dit, asma sitta, ils sont marfou' avec le waw. Hada akhuka. Tu dis pas hada akhuka. On va le voir. Pourquoi? C'est comme ça. C'est asma sitta. Il faut juste les apprendre. Et ceux-là, lorsqu'ils sont marfou', ils sont mudaf, tu mets un waw. Tu prends pas la tête sur ça. C'est une règle qui est comme ça. T'as Ensuite, t'as quoi? El majrour. Majrour, comme on a vu, c'est celui qui se finit par une kesra ou kesratein. Ce qui remplace la kasra et la kasratin. Comme on va le voir, Inch'Allah, avec le ya. Le ya, ça remplace la kasra ou la kasratin. Comme on a vu, Kadalika, la fatha, elle remplace la kasra et la kasratin avec Ahmed, Matlan. Ra'aytu ou mashaytu ma'a Ahmadi. Tu dis pas ma'a Ahmadi, ou la Ahmadin, mais tu dis wa ma'a Ahmada. On va le voir pourquoi. La fatha, elle est venue remplacer le il. Ensuite, à quoi? El mansoub. C'est celui qui se finit avec une fatha ou fathatayn ou ma naba anhuma. Celui qui se finit avec une fatha ou bien deux fatha ou bien chose qui va remplacer la fatha ou bien les deux fatha. Comme c'est le cas avec barakallahu fikum. Maintenant tu vas dire ra'aytu muhammadan darabtu muhammadan. Là c'est qui le fa'il? C'est moi qui a fait l'action de voir. C'est qui a été vu? Muhammad maf'oulun bihi. S'il est maf'oulun bihi, mansoub. Ra'aytu muhammadan. تمام ضربت محمدا الضرب الفعل الضارب سكي سي مو الفاعل سوجي المضروب سكي محمدا سي celui qui a subi l'action. Celui qui subit l'action d'un verbe, تمام, il sera toujours quoi? منصوب. L'action d'un verbe. Parce que le منصوب, comme on a dit, c'est le مفعول به, c'est-à-dire c'est celui qui a subi l'action du فعل. Dans ce cas, je regardais bien la racine فعل. تمام, c'est celui qui a subi l'action مفعول. Et lui se fait toujours, ça, on appelle ça yani, mansoub, c'est celui qui signe avec une fatha, fathatayn, ou ma naba anhuma. Donc le mansoub, il finit soit par une fatha, une fathatayn. Ou ce qui remplace la fatha et la fathatayn. Comme on va dire, mansoub. Mafalun bihi. C'est toujours mansoub. Il est tout le temps mansoub. Comme le mubtada, il est tout le temps marfou'. comme le ism qui subit, qui vient après, fi ou bien le harf al-jar, fi, ala, min et tout ça, il est toujours majrour. Hakada. Donc là, on avait dit quoi? Le maf'ul bihi, il est tout le temps mansoub. Fatha, ou fathatayn, ou ma naba anhuma. Sah? Celui qui remplace la fatha, la fathatayn. على كل حال فتحة وفتحتين. أحب أبي فيكم سي أنا يتي بلا أحب أبي تمام en français cette phrase là أحب comme c'est le cas ici أحب أبي c'est quoi la grammaticale de la phrase là c'est quoi les arabes pourquoi parce qu'il commence par un verbe تمام أحب C'est le fi'l. Et le. C'est qui aime là ? Non, non. Le fi'l est sous-entendu. Le fi'l, c'est celui qui subit. Non, le fi'l, c'est celui qui fait. Fi'l. Ah, il est sous-entendu. Sous-entendu, c'est quoi ? Ana. Ana. On va faire ça, comme s'il était entre les deux. T'as bien ? Et celui-là ? Et celui-là, c'est le maf'oul bihi. Celui qui a subi l'action. T'as bien ? Ce maf'oul bihi, uhibbu abi. Je pense qu'il est sous-entendu. Non, on a dit mansoub, c'est-à-dire fatha ou fathatayn. Elle ou fatha fathatayn. Déjà, il y a une idafa. Et là maintenant, il doit être sous-entendu parce que, comme on avait déjà dit, quand il y a le ya, il y a du qui le ya. Le ya, comme on a dit, le ya, t'as même le ya, celui qui vient. Lorsqu'il. Comment ça s'appelle pour le mettre pour prolonger. Le son de la kasra, sa fonction c'est de prolonger le son de la kasra. C'est-à-dire que même si le mot là, le maf'ul bihi, il se finit par une fatha, si jamais tu mets le lien, puisqu'il y a une idafa entre les deux, abi, mon père, s'il y a une action entre les deux, tu pourras, la fatha ne pourra pas être voyante. Pourquoi ? Parce que l'ia, sa fonction c'est de prolonger la kasra et pas la fatha. C'est-à-dire que lorsque tu mets une kasra, ce ya là, même si jamais le mansoub se finit par une fatha, la fatha, elle devient une kasra obligée. Pourquoi ? Parce que la voyelle qui correspond, c'est la kasra et pas la fatha. À chaque fois que tu vois un ya, ah, ya c'est comme avec. C'est un i qui est avant. Comment ? À chaque fois que tu vois un wa. Là, non, à chaque fois que tu vois un ya. À la fin, ouais. Derrière, obligé, c'est une kasra. Si jamais tu vois un ya qui est pour le maître. Hein. Le ya avec le maître. Là, abeille. Tu peux pas. T'as même ? Donc, le ya qui est venu pourquoi ? Pour prolonger. Abi. Ceux qui prolongent. Là, c'est pas ya takallum. Eh ya afan, n'am. Ya takallum, yani pour dire ana, moi, mon père. C'est la même possession. Comme on a dit, le damar al-muttasil, lorsqu'il rentre dans des noms, c'est pour exprimer la possession. C'est la même. Qalami, abi, ummi. C'est la même. Donc là, si jamais tu fais l'arabe, tu diras abi maf'oulun bihi. C'est-à-dire, il est maf'oul bihi. Maf'oul bihi, mansoub. Hein? Qui se finit par fatha, fathadain, ou manaba anhuma. Le signe qui nous prouve qu'il est mansoub, tu diras al-fathatu al-muqaddaratu, la fatha qui est sous-entendue, tamam, mana'a min dhuhuriha, ce qui a empêché qu'elle soit apparente, c'est le ya, parce que il s'accorde avec quoi ? La kasra. Tamam ? Donc il n'y a pas de. Tu dis uhibbu abi maf'ul bihi, pourquoi il n'y a pas de fatha ? Maintenant, je n'aurais pas mis une annexion. Tamam ? J'aurais dit, maintenant, on va dire Muhammad. Uhibbu Rasulallah, maintenant, tamam ? Uhibbu. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب فعل فو فعل رسول أو رسولي رسول الله أحب رسول الله صح أكيد رسول الله رسوله فعل أنا فاعل رسول مفعول به c'est qui subit l'action de khamir c'est un rasoul donc qui prend la fatha ici donc ça prédomine sur le mudaf non رسول الله هي non le mudaf comme on a dit c'est pas forcément pas tout en marfou jamais on a vu ça le mudaf on avait dit quoi il prend pas de tanwin il prend pas de l il y a pas de tanwin il y a pas de l on n'a pas dit il prend pas de fatha ou il prend pas de kasra parce qu'en fait nous tout ce qu'on avait pu voir, c'était quoi le marfou' Mubtada khabar, mubtada khabar. On est que dans les phrases nominales. Mubtada khabar. Mubtada, toujours marfou'. C'est-à-dire que ce soit un mudaf, que ce soit ism mushara, que ce soit kada wa kada, tout ce qu'on a pu voir, tout ça sera marfou'. Pourquoi? Parce qu'il est mubtada, le mubtada marfou'. Mais là, phrase nominale, phrase verbale. Tamam? Donc c'est-à-dire le mudaf, ce qu'on a pu voir, ou bien qu'on va voir kadalka, ism mushara, ou ism al-mawsoul, alladhi. Tous ces machins là, si jamais ils sont plus dans une phrase nominale, phrase verbale, ils peuvent être, comment s'appelle, les choses, non pas sous-entendues, mais les choses qui subissent l'action. Donc celui qui subit l'action, mansoub. C'est-à-dire avec une fatha, fathatayn. Uhibbu Rasulallah. Uhibbu. Une personne qui s'appelle Mohammed, comment je dirais? Uhibbu Mohammedin, uhibbu Mohammedan, ou uhibbu Mohammedun. À la base, c'est quoi? C'est Mohammedun. Sah? Tamam. Et là, Mohammed, dans la phrase, il est quoi là? C'est quoi sa fonction? C'est quoi sa fonction dans la phrase là? Maf'oulun bihi. Donc, qui dit maf'oul bihi? Il dit mansoub. Mansoub. Fetha, fethatin. Donc, à la base, c'est quoi? Mohammedun. Donc, le dun, il saute, ça devient den. Pourquoi? Parce qu'il est mansoub. Donc, ça sera. Uhibbu Mohammedan. Mais, regardez, dans, à l'écrit, lorsque le mot est mansoub, et qu'il est indéfini, c'est-à-dire qu'il prend une tenwin, on ne va pas dire indéfini, mais s'il est mansoub et qu'il a une tenwin, comme c'est le cas là, fathatin, il faut que tu rajoutes l'alif, barda. On dira? Tamam? Lorsque le mot il est mansoub et qu'il a une tenwin, fathatin, il faut que tu le mettes ce petit bâton là. À l'écrit. Tamam? Uhibbu Muhammad, t'es obligé de mettre cet alif là. À l'écrit. Prends-toi pas la tête. Wa kana Allahu aliman hakima. Tamam? Hakima, ça s'écrit comme ça à la fin. Fathan mubina. Tamam? Hakima. Et lorsque tu t'arrêtes sur ça là, la fathatin, ça devient comme Ahmed. Tu dis pas wa kana Allahu aliman hakiman. Tu t'arrêtes. Si tu veux t'arrêter, wa kana Allahu aliman hakima. Tamam? Donc ça c'est le but du mafalbi. Vous l'avez compris? Ouais, il ne manque plus que Medzon. Donc on va lire les lancers là du Dexim Rodos et Inch'Allah. On reviendra. قال سعاد قالت عليكم السلام. قالت سعاد السلام عليك ورحمة الله وبركاته. Comme on a dit, le kaf, t'as un kaf al khitab, il faut que tu l'accordes. Selon la personne à qui tu parles. Là, c'est, en l'occurrence, c'est une femme. Donc, tu dois dire qui? Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al-bint. Wa alayki salam. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kayfa haluki, ya bintu. Kayfa haluki. Regardez, il a bien dit haluki. Il n'a pas dit haluka. Ya bintu. Kayfa, tout ça, on a pu. Kayfa, c'est comme on a pu voir. Ismu istifham. Non, ça c'est mustifam. Ça fait partie de l'asma mustifam pour dire comment. Comment ça s'appelle? Kayfa haluki ya bintu. Comment on dit ya? Lorsqu'il rentre dans un nom, comment ça s'appelle? Nakara maksuda, il prend pas de tenwin. Lorsque tu vises une fille particulièrement, ya bintu. Parce qu'à la base c'est bintun. Une fille parmi les filles. Une fille parmi les filles. Mais lorsque tu dis ya bintu, tu es en train de viser une fille bien précise. Précise, donc tu diras ya bintu, tu diras pas ya bintu. Lorsque tu vises une fille bien précise, tu as une personne bien précise, ya bintu. Et comme on a dit, lorsque c'est mondaf, mondaf ilay, tu diras ya abdallah, mathalan. Tu dis pas ya abdullah. Lorsque tu fais nida d'une personne dont son nom est mondaf, mondaf ilay, tu as abdullah, tu vois tout ça, tu dis pas ya abdou. Tu dis ya abada. Ana bi khayrin walhamdulillah. Je vais bien et la louange appartient à Allah Azza wa Jalla. Min ayna anti. Donc tout ce qu'on a pu voir, ça revient. Min ayna, on a vu. Wa anti kathalka. Ana min al-riyadi. Je viens de Riyad, la capitale de Saoudia. Masmuki. Comment tu t'appelles? Ismi aminatu ou aminatun ou aminatan ou aminata ou aminatin ou aminati. Voilà. As-salamu. Non mais ça c'est une question. C'est une question que je pose. C'est quoi? C'est Aminatu ou Aminatun ou Aminatan ou Aminata ou Aminatin ou Aminati. Ismi Amina. Ismi Aminati. Aminatin. Ah, ça c'est bien. Aminati. Aminati. Pourquoi? C'est Aminatu. Pourquoi? On a dit déjà, les prénoms féminins, ils ne prennent pas de tannin. Ils ne prennent pas de tannin. Déjà, c'est sûr et certain, ça ne peut pas être tin, ten et toun. Et parce qu'un prénom de base, tout nom à la base, tout ism, il est marfou. Ok, marfou. Majoura avec une dhamma. C'est-à-dire, aminatou. Non, c'est marfou. Marfou. Ra'aytu Muhammadan. Ra'aytu Fatimata. Bah là, c'est pas Fatimata, là. Parce que là, c'est maf'oul bih. Non, mais là, il n'y a pas de verbe. Justement. Ismi aminatou. Pourquoi ? Hein ? C'est pas parce que c'est un. Tada khabar. Parce que c'est un khabar, le khabar est marfou. C'est tout. Parce que ismi, c'est mubtada. Et amina, c'est le khabar est marfou. Et amina, c'est alam ou annat. C'est un nom propre féminin. Et les noms propres féminins ne pourront pas t'annuer. Qala ibn abouki. Aina, n'am. Aina abouki. Regardez, la Bible dit Aina. Abouki. Il n'a pas dit Aina Abouki. Parce que ça, Aboun, on avait dit, ça fait partie des Asma Sitta. C'est-à-dire des noms à qui, lorsque tu vas mettre une. Il sera mudaf, tu seras obligé de ramener quoi ? Un waouh. Si jamais il est marfoua. Tu rajoutes un waouh, c'est le marfoua. Comme c'est le cas ici, le kef c'est mudafoun ilay, ou ab c'est mudaf, et il fait partie des Asma Sitta, et parmi ces six-là, ab ou a. Abi huna fil madinati al munawwarati. Comme on a pu voir, le mieux c'est dire al madina al nabawiyya. Tamam. Abi huna, mon père, est ici à Médine. Qala huwa muwajjihun fil madrasati al thanawiyya. Muwajjihun, c'est un conseiller. Comment à l'école là, comment on appelle ça? Conseiller de. Ah, c'est que tu dis conseiller d'orientation. Le désorientation. Ouais, désorientation. Tamam. Le muwajjih, c'est le conseiller d'orientation. Fait une madrasa al-thanawiyya, c'est quoi? C'est quoi la madrasa al-thanawiyya? On a vu ça. C'est la secondaire. C'est-à-dire, c'est en français? C'est le collège. Non. Le lycée. Le lycée. Ah. La primaire? Al-madrasatu al-ibtida'iyya. Ça, c'est la primaire. Al-mutawassita, madrasa mutawassita, c'est le collège. Al-thanawiyya, le lycée, et l'université, al-jami'a. La faculté, al-kulliya. Al-kulliya. Aina ummuki, elle est où ta mère? Hiya aydan huna, elle est aussi huna, yani al Madina. Hiya tabibatun fi mustashfa al wilada. C'est un médecin, c'est un médecin dans l'hôpital dans la maternité. Wa man hadhihi al fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? Et qui est al fata? C'est adolescente. Donc c'est le féminin de fata. On a vu al fata. Al fata. On a vu, c'est l'adolescent. Tamam, al-fata, c'est l'adolescent. Et l'adolescente, tu dis al-fata, al-fata, tout, comme c'est écrit là. Hiya, il a dit quoi? Man hadhihi al-fata, al-fata, al-lati. Al-lati, c'est le quoi? Le féminin de al-ladhi. On a vu al-ladhi, tamam. Man hadha al-ladhi kharaja min al-fasl al-ankama, on a vu dans le cours. Et là, le féminin de al-ladhi, qui est ism mawsoul. Un pronom relatif, c'est quoi? Allati. Wallati ahsanat farjaha kama fi Maryam. Fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin. Tamam? Allati, c'est pronom relatif pour le singulier féminin. Wa hiya ahiya ukhtuki, est-ce que c'est ta sœur? Tamam? La hiya bintu ammi. Non, c'est la fille de mon oncle paternel. Am, c'est l'oncle paternel. Wal khal, c'est l'oncle maternel. Qui nous fait l'arabe de Hiya bintu ammi? Vas-y. Faddal, c'est trop tard. Tu t'es lancé. Hiya, bah, tu prends pas là. Hiya bintu ammi. Bintu ammi, moi je dirais quoi donc? Hiya bintu ammi. Hiya mubtada. Ah. Bint ammi khabar. Khabar. Wa bintu? Mubtada. Bintu? Bintu Mudaf. Mudaf. Mudaf. Walia Mudafun ilayhi. Masmuha. Comment elle s'appelle? On a vu elle. Masmuhu. Masmuha. Masmuki. Masmuka. Masmi. Ismuha Fatimatu. Ou Fatimatun. Ou Fatimata. Ou Fatimatan. Ou Fatimatin. Ou Fatimati. Faddal. Ismuha Fatima. Attends, je vais te trouver. C'est simple. Regarde la phrase. Analyse. Et si tu sais c'est quoi la fonction de Fatima, tu vas savoir comment ça se finit. C'est avec un i. Pourquoi? Il y a le harf jar qui va rentrer, qui va me faire venir avec un i. Ismuhu, c'est quoi? Ismuha. Ismuha Fatima, c'est quoi la différence? C'est pas un fait. Ismuha Fatima, c'est quoi l'arabe? Son nom est Fatima. Mubtada wa khabar. Donc, ismuha mubtada. Fatima khabar. Tout mon khabar est marfou. Donc, Fatimatu, ou bien c'est quoi? Fatimatun. Maintenant, on sait que le pronom personnel féminin, il ne prend pas de tenouine, donc ça peut être que Fatimatun. Ahiya Zami Latuki, est-ce que c'est ta camarade de classe ou ta camarade? Ahiya Zami Latuki, elle nous dit La, hein? La Anafi Mudarasati Mutawasitati, Wahiya. En gros, ouais, non, moi je suis farkel, moi. Je suis dans la classe supérieure, Afwan. La Anafi Mudarasati, là, là, elle a fait preuve de modestie. Là, Anna fil madrasati al mutawassitati. Zamila, c'est le camarade de classe. Est-ce que c'est ta camarade de classe? Elle a dit là, c'est pas possible. Pourquoi? Anna fil madrasati mutawassitati, moi je suis au collège. Wa hiya fil madrasati athanawiya. Elle est au lycée. Donc ça peut pas être ma camarade. Elle a qui? Ukhtun, as-tu une sœur? La maliya ukhtun, j'ai pas de sœur. Elle a qui akhun? Naam, liye. Liya akhun kabirun wa huwa talibun. Biljamia, n'am, j'ai un grand frère et il est étudiant à l'université. Waman hada tiflu alladhi ma'aka. Vous avez vu? Alladhi, al-an, ma'aka, n'am. Ma'aka, je veux dire alladhi, allati, on a pu voir, et là, alladhi. Ça s'encorde en genre et en nombre. Comme tifl, c'est un mot qui est masculin et singulier. Kazalika, tu vas le trouver. Dans alladhi, le pronom relatif, il doit être masculin et singulier. Alladhi. Huwa ibn, n'am, huwa ibn. Akhi, c'est le fils de mon frère. C'est mon. C'est quoi le fils de mon frère en français? C'est le pape, ni. Cousin? Non. Ni, neveu. Le fils de mon frère, ah oui. Neveu. S'il te plaît. Masmuhu. Masmuhu, comment il s'appelle? Ismuhu Sa'adun. Il s'appelle Sa'ad. Mais tu dis pas Sa'adun, tu dis Sa'ad. Il s'appelle Sa'ad. Basmu. Parce qu'il y a pas, c'est comme ça. Sa'ad. Tu veux mettre un chat d'où? Dans tel. C'est impossible. Qui peut répondre? Qui peut répondre à cela? Pourquoi on ne peut pas mettre une chat d'un? Là? Ab. Là, il n'y a pas de chat d'un. Tu dis. Pourquoi tu ne peux pas mettre une chat d'un là? Sa'dun. Sa'dun. Pourquoi tu ne peux pas mettre une chedda? C'est impossible qu'il mette une chedda, mais pourquoi? C'est un prénom. Non. Mohamed, Mohamed. Parce que l'aïn, il y a une seconde. Le quoi? L'aïn, Sa'ad, il y a une seconde. Si jamais tu mets une chedda sur le del, ça va faire quoi? Deux secondes et on suit. Parce qu'on a dit, la chedda, c'est quoi? C'est l'équivalent de deux lettres. La première, elle a une seconde, la deuxième, elle a une haraka. C'est-à-dire, c'est comme si jamais tu écris le sin, le aïn, le del avec une seconde. Et le del avec une damma ou une damma taïn. Ça, tu peux pas. Donc jamais tu trouveras une soukoun, une chita qui précède. Abedan, ma fiche. Et ummu qui fil bayt il an. Est-ce que ta mère est à présent? Est-ce qu'elle est dans la maison? Maintenant, à présent. Qala la dhahabat ila al mustashfa. Est-ce que ta mère elle est à la maison? Non. Elle est partie à l'hôpital. Al mustashfa ma i'arabuhu. Je l'attendais, je dis. De quoi? Et la réponse, elle est. Indak. De quoi? Al mustashfa. Indak, quelque chose. Al mustashfa. Pourquoi elle est. J'allais répondre. C'est quoi l'arabe? Non. Dis-moi pas parce que je te demande c'est quoi. De quoi? Je ne sais pas demander d'argumenter, je te demande de répondre. Mustashfa, c'est quelque chose qui est mu'arab. Mais regarde, il a le moustachfa. Il a, c'est quoi ça? Non, non, non. Halef? Il a. Ouais, non, si, je suis sûr. T'as. Ou un moustachfa? D'après ce que tu m'as appris, quoi. Al moustachfa. Et le moustachfa, il se finit par. Bah pourquoi il ne prend pas une kassara là? C'est la majorité. Alif maksour. Ouais, Alif maksour, c'est quoi? C'est quoi le problème? Le problème de Alif maksour, c'est quand tu vois ça, mon frère. C'est que. Mais c'est quoi qui est sous-entendu? C'est mu'arab. Non, c'est mu'arab. Mais pourquoi il bouge pas? Moustachfa. Al moustachfa. Il a le moustachfa. Il fait partie des mots. Tac, tac, là, qui bouge Qui est-ce qui ne bouge pas? Parce qu'il y en a deux. Il y en a deux qui ne bougent pas. Maintenant, je te dis fille, il ne bouge pas. Jamais il bouge. Mais ce que tu veux avant, fille, fille. Mebni, il ne bouge jamais. Moustache fait qu'elle ne bouge pas. Ha'oula'i. Ra'aytu ha'oula'i. Marantu bi ha'oula'i. Ha'oula'i zumali. Zumala'i. Il n'est pas mebni. Parce qu'on a vu qu'il y avait deux types, il y a Mabni qui bouge jamais. Hein? Et ça, c'est Taqdiri. Ça, c'est le pas le Mabni qui bouge jamais. On a vu le Mu'arab qui bouge et le Mu'arab qui bouge pas. Et c'est celui qui ne bouge pas, c'est celui qui est sous-entendu. Et c'est celui qui prend, مثلا, à la fin, une alif maqsoura ou bien la ya al-mutakallim pour l'idafa. J'avais juste. Non, pas juste. Ils sont entendus. Maintenant, qu'est-ce qui est sous-entendu? C'est la question. Il a, c'est le harouja. Il a. Mais aussi en même temps, comme il y a un verbe, ça veut dire que moustache. Il a le verbe. Il subit la dahaba. Ah non, c'est le dahaba. Lakin, un mot, il ne peut pas subir deux actions. Donc, lequel? Le plus proche. Hein? Le plus proche. Le plus proche. Il a. Il a. On va le voir ça aussi. Tu peux. Ah, si, c'est très. On verra plus tard. Non, non, on n'a pas. En même temps. Moi, j'aurais cru que le verbe toujours prend le dessus sur le truc. Parce qu'au fait, ça c'est une faïda. Les verbes, ils sont qismi. Tu as les verbes qui sont lazim et les verbes qui sont mutaaddi, transitifs et intransitifs. Lazim, c'est celui qui n'a pas de maf'ul bihi. Tamam? Lazim, c'est celui qui n'a pas de maf'ul bihi. Dhahabtu. Est-ce qu'il y a un maf'ul bihi? Non, je suis parti. Tamam. Ces verbes-là, qui à la base, ils n'ont pas de maf'ul bihi. Tamam? Si jamais tu veux lui ramener un maf'ul bihi, il ne peut pas, yani il dit yata'adda, il ne peut pas yani dépasser le fa'il pour aller sur le maf'ul bihi qui n'est pas un harf jar. Dhahabtu ila al-mustashfa. Maintenant tu veux dire je suis parti à l'hôpital. À l'hôpital, là tu ne peux pas dire dhahabtu al-mustashfa. Dhahabtu ila al-mustashfa. Ah, tu ne peux pas le sous-entendre? Non. Dhahabtu al-mustashfa, ça ne se dit pas ça. Dhahabtu ila al-mustashfa. Pourquoi? Parce que ce fi'il là, il est lazim. C'est-à-dire qu'à la base, il ne prend pas de maf'ul bihi. Mais si jamais tu veux le mettre à maf'ul bihi, c'est pas maf'ul bihi, mais on va le voir. Hein. CCL, complément circonstanciel de lieu. Parce que là, c'est complément circonstanciel. C'est un autre truc, c'est maf'ul fihi. C'est un autre truc. Là, tu vas lui quoi? Tu vas lui. Tu es obligé de mettre un fujar. Ilahuna hafadakum Allah. Tfaddal. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.